La population sud-coréenne exalte la République populaire démocratique de Corée, qui honore les femmes comme fleurs de la société, du pays et de la famille, sous le régime socialiste humanitaire. Les sud-coréennes, notamment Suk Jin-hui à Séoul, ont dit qu'à la différence du Sud qui méprise les femmes par rapport aux hommes, le Nord assure le droit à l'égalité des sexes juridiquement et institutionnellement, ce qui est dû au président Wilson et au général Kim Jong-il qui ont fait des femmes les maîtres du pays, en pratiquant la vraie politique pour les masses populaires laborieuses. Qualifiant le Nord, assurant au niveau suprême la dignité et tous les droits des femmes, de royaume et paradis des femmes, elles ont souligné de réunifier la patrie par la force unie de la nation coréenne, suivant la déclaration commune du 15 juin, pour que les Sud-Coréennes aussi bénéficient de tels bonheurs.